Balzac par Émile Faguet. Chapitre 1er. Caractère et tournure d'esprit. C'est un singulier caprice du fabricateur souverain d'avoir uni un jour le tempérament d'un artiste et l'esprit d'un commis voyageur. Balzac a été vulgaire et pénétrant, grossier et subtil, plein de préjugés sots et tout à coup infiniment clairvoyant et profond. Sa platitude confond et aussi son imagination. Il a des intuitions de génie et des réflexions d'imbécile. C'est un chaos et un problème. Essayons de démêler. L'homme était vulgaire, lourd d'aspect, trapu, grosse voix et gestes violents. Il manquait d'esprit absolument. Sa plaisanterie était grasse et grosse. Il est admirable dans les conversations qu'il prête à ces hommes d'esprit. Les illusions perdues. Elles sont stupides. Ces Parisiens ont l'air de Chartier en liesse. Ces ducs font des calembours, des à peu près et des queues de mots. Chose étrange, il a vu le monde, le vrai monde. Et il est si vrai qu'il ne suffit pas de voir, et que nous sommes toujours pour la moitié dans l'impression que nous recevons des choses, que son grand monde ressemble à une loge de portier des quartiers pauvres. Une lady questionne un vicomte. « Sincèrement, petit, » le lys dans la vallée. Une duchesse dit « Hein ?» le père Goriot. Et Eugène comprit ce « Hein ?» ce qui ne m'étonne pas, après les façons qu'il a eues 2 heures avant chez madame de Restaud. Une vicomtesse dit à un baron, la seconde fois qu'elle le reçoit, « Vous êtes un amour d'homme. » Et Eugène se dit, « Elle est charmante. » Il est étonnant, cet Eugène. Cela devient très amusant, sans que Balzac s'en avise, à force d'être faux. On dirait une parodie. Voici une conversation de femmes de l'aristocratie. Ce sont de grandes dames, de très grandes dames. Il y a même une jeune fille. Le premier mot d'Hortense, c'est la jeune fille, avait été « Comment va ton amoureux ?»« Oh, je voudrais bien le voir. »« Pour savoir comment est tourné celui qui peut aimer une vieille chèvre ?»« Ce doit être un monstre de vieil employé à barbe de bouc, » dit Hortense, la jeune fille. « Voilà 4 ans que je le porte dans mon cœur. Tu ne sais pas ce que c'est d'aimer. Nous savons tous ce métier en naissant. » La cousine bête. Une baronne est contrainte d'avoir une entrevue avec une actrice, et Balzac nous prévient que la baronne trouve dans l'actrice une femme calme et posée, noble, simple, et rendant par ses façons hommage à la femme vertueuse. Sur quoi l'actrice appelle son domestique et, avec lui, devant la baronne, une conversation de corps de garde. « La brodeuse de madame s'est mariée. »« En détrempe ?» demanda Josepha. Voilà comment Balzac entend les belles manières. Il a lui-même avec son lecteur des manières qui sont de mauvais ton. Il est vaniteux, pédant. Il étale complaisamment et lourdement son érudition, interrompt son récit pour vous dire « La sculpture est comme l'art dramatique, à la fois le plus difficile et le plus facile de tous les arts. Michel-Ange, Michel Colomb, Jean Goujon, Phidias, Praxitèle, Polyclète, Puget, Canova, Albert Dürer sont les frères de Milton, de Virgile, de Dante, de Shakespeare, du Tasse, d'Homère et de Molière. Cette œuvre est si grandiose qu'une statue suffit à l'immortalité d'un homme. » Si Paganini, dans La cousine bête. Et 2 pages de réflexion tout aussi neuves et originales. Ailleurs, c'est une dissertation sur la divination. Ailleurs, sur l'amour anglais comparé à l'amour français, le lys dans la vallée. Monsieur Homais s'en est souvenu dans sa conversation avec Rodolphe sur les femmes des divers pays. Mais comme Monsieur Homais est homme de goût, il l'a abrégé. Balzac a des idées de clerc de notaire de petite ville sur l'air et l'aspect extérieur des artistes. Ce jeune homme, doué de cette tournure extraordinaire et bizarre qui signale les natures artistes, frappa vivement Lucien. Les illusions perdues. N'avait-il donc jamais regardé Hugo ni Lamartine, mais seulement les Bousingots de 1830 ? Il interrompt un des plus beaux de ses romans, Ménage de garçon, pour vous conter par le menu les bonnes farces de l'œuvre de la désœuvrante à Issoudun et remplit 30 pages des méchants tours, parfaitement insipides, et qu'il trouve amusant, de rapins de sous-préfecture. Il montre partout cette vénération béate et un peu niaise des mœurs de Paris, et cette ironie lourde à l'endroit des mœurs de province qui est la marque même du provincial, et que Molière avait déjà signalé dans Catos et la comtesse d'Escarbagnas. Musset n'a jamais gouaillé les sous-préfectures, il était trop parisien pour cela. Sa philosophie est grosse, courte, à axiomes tranchants, à paradoxes violents, sans finesse et sans nuance, comme celle d'un étudiant de brasserie. L'homme est une brute, n'a que des instincts, des appétits et des intérêts. Il faut un gouvernement absolu et une religion tyrannique pour le brider. Notez qu'avec cela, Balzac est spiritualiste, mais du spiritualisme le plus matériel qui soit au monde. L'âme existe, c'est un fluide. La volonté existe, c'est une manière d'électricité, de magnétisme, qui ne sort par les yeux et fascine et dompte les autres. Louis Lambert. S'il s'agit de convertir un vieux médecin athée à la croyance de Dieu, c'est chez un somnambule que Balzac le conduira, et le docteur, en revenant, ira à la messe. Ursule Mirouet. J'ai entendu démontrer l'existence de l'âme par ce fait que l'on souffre au changement de temps dans un membre depuis 10 ans amputé. C'est du spiritualisme de vétérinaire. Il ne faut pas oublier du reste que cet homme n'est ainsi que quand il croit raisonner. Quand le poète se réveille, l'imagination exaltée supplée à l'impuissance de la pensée, et la fin de Séraphita est un magnifique poème mystique. En effet, il y avait un artiste dans ce basochien de petite ville. Il avait l'imagination d'abord et la vraie, non pas celle qui s'exerce dans les mots, qui fait des métaphores, construit laborieusement des symboles, mais celle qui crée des êtres et des événements. Il habitait un monde qui émanait de lui. Des êtres logiques, vraisemblables et complets sortaient de son cerveau et marchaient devant ses yeux. Et ils agissaient, disant ce qu'ils devaient dire et faisant ce qu'ils devaient faire d'après leur tempérament. Ayant le caractère de leur origine et de leur complexion, les habitudes de leur caractère, les idées de leurs habitudes, les paroles de leurs idées et les actes de leur langage, pleins, solides, organisés, vivants, les uns plus complexes et les autres quelquefois trop simples, et nous reviendrons sur ce point, mais tous animés et qui respiraient. C'est le premier trait, et c'est le don essentiel de l'artiste, le sentiment de la vie et la faculté d'en donner l'illusion. Cette puissance, qui lutte à un degré extraordinaire, était soutenue chez lui par le don de voir le détail des êtres et des choses. Ce n'est pas la même faculté. De grands artistes, comme Corneille, ne l'ont pas. Ils créent la vie large et forte. Ils ne sentent pas la vie minutieuse, ne savent pas la guetter et la poursuivre dans ces manifestations légères et apparemment insignifiantes, qui sont pourtant ce qui donne aux choses et aux êtres leur physionomie. Pour bien comprendre, songez à ce que nous sommes, nous, gens du commun. Nous disons « telle personne a un air de bonté ». C'est une vue d'ensemble un peu vague. Mais cette vue nous a été donnée par 1000 détails dont nous avons reçu l'impression comme inconsciente. Ces 1000 détails, l'artiste les voit tous et parmi eux choisit et nous donne les plus significatifs et à chacun nous nous écrions « comme c'est vrai, j'avais remarqué cela ». Nous ne l'avions pas remarqué, nous l'avions entrevu. Et c'est lorsque l'artiste nous le montre que ce détail sort, comme appelé par lui, net et précis, au fond de notre mémoire confuse. Cette faculté d'observation et d'évocation, personne ne l'a eue comme Balzac. Cela suffisait pour faire de lui un grand romancier. Il avait plus encore, il avait le don, infiniment rare, de voir et de ressusciter dans sa pensée des ensembles, des groupes humains, presque des sociétés organisées, avec les actions et réactions des membres qui les composent les uns sur les autres. Ceci est un don absolument supérieur. On compte aisément ceux qui l'ont reçu. Shakespeare et Molière sont les plus illustres. Quand il a cette puissance, le romancier est une manière de poète épique. Ce n'est plus là seulement créer la vie, ce n'est plus seulement la surprendre dans les plus menus de ses détails caractéristiques, c'est, de plus, l'embrasser dans sa plénitude, et chaque être qu'on a créé, bien vivant déjà, le rendre plus vivant encore du contact, du froissement et de l'impulsion de la vie de tous les autres. Un monde a été créé. Balzac n'était ni plus ni moins que ce créateur, et il l'était incessamment. Il avait en lui de quoi dépasser tous les romanciers connus et se placer au rang des plus grands poètes. Et c'est même ce qu'on a cru dans le premier moment d'étourdissement. C'est ce qui serait arrivé si les énormes défauts que nous avons signalés tout d'abord n'avaient perpétuellement gêné ses magnifiques facultés naturelles et quelquefois ruiné, toujours compromis l'exécution. Comme, avec tout son génie, il était peu avisé, peu réfléchi, un peu sot pour tout dire, il n'avait à aucun degré le sens critique qui, poussé trop loin, glace et dessèche absolument l'artiste, mais qui lui est aussi absolument nécessaire à un certain degré pour se rendre compte de ses aptitudes, n'en point franchir les bornes, ne point s'en attribuer qu'il n'a pas. Il allait tout à fait au hasard dans ses projets et ses conceptions, aussi bien dans son métier d'artiste que dans sa vie. Il n'avait aucune délicatesse de sentiment, et il s'avisait un jour de faire un roman sentimental. Il n'avait pas d'esprit, et il se piquait de faire des romans de conversation parisienne. Il avait un sentiment de la réalité incomparable, et son imagination lourdement fantasque le poussait à se jeter dans les inventions purement romanesques et invraisemblables, où il faut la légèreté de fantaisie et de libre verve qu'il n'avait pas. Il en résulte non seulement des inégalités extraordinaires, cela va de soi, et n'étonne point chez les plus grands, mais des disparates et des contrariétés qui confondent. On ne le définit et on ne lui donne son vrai nom qu'en laissant tomber des parties énormes de son œuvre qui contrarient la définition, car il est ceci, incontestablement, et voilà qu'il est absolument le contraire. D'un ouvrage à l'autre, ce dont on se consolerait, et quelquefois dans le même ouvrage, ce qui désole. Ainsi, il est un romancier purement romanesque à la façon d'Anne Radcliffe. Il est un romancier élégiaque et mystique. Et puis, il est un romancier réaliste admirable. Et encore, il est non plus seulement réaliste, mais grossier, bas et violent, ce qui est une dégénérescence du réalisme tellement grave que c'en est précisément le contraire. Il faut le suivre dans ses différents personnages, d'abord, pour dire ensuite dans lequel il a été véritablement lui-même, et l'homme qui compte devant la postérité.